regarde. Ce que je crois, c'est un être humain, tout comme moi. Bien sûr, il y a mille et une différences. Vois-tu, la vie, c'est là notre malchance. Plus personne n'a d'identité, la sienne, mais y a trop de personnalités. Ces petits, tous ces grands, ceux qui sourient, ceux qui serrent les dents, les marionnettes de l'élégance, et tous les maîtres de la décadence. Tout le monde veut être le roi, la reine, beaucoup ont fait leur choix. Laissez-tu dire, je t'aime. Let's say-